إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui c'est le cours numéro 18. On continue dans l'explication de Sharh Kitab al-Tawhid. Et aujourd'hui c'est la suite du chapitre 3, Bab al-Thalith. Man haqqaqa al-Tawhid dakhala al-Jannah bighayri hisab. Donc on continue l'explication à ce sujet-là. On termine l'explication de l'aya Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun min al-mushrikin. Donc on avait terminé d'expliquer cette ayah, sauf qu'il restait juste un petit paragraphe à expliquer à ce sujet-là. Le shaykh il dit à propos des quatre qualités, les quatre caractéristiques. هذه أربع صفات وصف الله بها إبراهيم وهي الصفة الأولى أنه كان أمة يعني قدوة في الخير والصفة الثانية أنه كان قانتا لله ثابتا على الطاعة مخلصا عمله لله والصفة الثالثة أنه كان حنيفا مقبلا على الله معرضا عن ما سواه والصفة الرابعة أنه لم يكن من المشركين أي بريء ممن أي بريء منهم ومن دينهم هذا هو تحقيق التوحيد ويكون بهذه الأمور أعظمها البراءة من المشركين فمن تبرأ من المشركين فهو ممن حقق التوحيد ولو كان أقرب الناس إليه فإبراهيم تبرأ من أبيه واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا إلى أن انتهت المحاورة بقوله وأعتزلكم وما تعبدون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه لما تبرأ من المشركين عوضه الله ذرية أنبياء. Donc le cheikh explique. Il dit que les quatre, Ibrahim avait quatre caractéristiques, et c'est par ces quatre caractéristiques-là que Allah subhanahu wa ta'ala l'a décrit dans les versets qu'on a mentionnés. La première caractéristique, c'est qu'il était une ummah, kana ummatan. Et ça, ça veut dire qu'il était une qudwa, c'est-à-dire qu'il était un exemple dans le bien, un exemple à suivre dans le bien. La deuxième caractéristique, c'est qu'il était qanit. Et on a expliqué que qanit, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est ferme et constant dans l'obéissance et dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas comme s'il adore Allah une journée ou une semaine ou un mois puis après il arrête. Non, il est constant. C'est-à-dire tout l'effort qu'il donne dans l'adoration, il le fait constamment puis il est mukhlis. Ce qu'il fait, il le fait uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala, pas pour rien d'autre. La troisième caractéristique, c'est qu'il est hanif. Il a expliqué que Al-Hanif, c'est celui qui se tourne et qui se dirige vers Allah subhanahu wa ta'ala et qui s'écarte et qui s'éloigne de tout ce qui est en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la quatrième caractéristique, c'est la plus importante, c'est qu'il n'était pas parmi les mouchriquins, et on a dit que ça, ça veut dire qu'il se désavouait des mouchriquins. Il disait, moi j'ai rien à faire avec vous, j'ai rien à voir avec vous, hein, et de leur religion. Donc il se désavoue d'eux et de ce qu'ils adorent et de leur religion en même temps. Donc le cheikh dit que celui qui a établi et réalisé la signification de ces quatre caractéristiques-là, eh bien c'est comme s'il a réalisé la pureté et la signification réelle du tawhid dans sa religion. Et donc le cheikh dit que la plus grande chose qui consiste à, ou bien la plus grande chose qui est importante dans le but ou dans le fait de vouloir purifier notre tawhid, c'est de se désavouer des mouchriquins. Et celui qui se désavoue d'eux, il a établi le tawhid en lui-même. Même si c'est le plus proche pour toi dans ta famille, même si c'est ton père, comme Ibrahim, il s'est désavoué de son propre père, alayhi salam. Donc c'est pour dire que, même si c'est quelqu'un qui est proche de toi, même s'il y a des liens de parenté avec toi, si c'est un ennemi d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien tu te désavoues de lui et de ce qu'il adore. Peu importe. Hein? Donc, il donne l'exemple qui est mentionné dans le Coran et rappelle dans le livre l'exemple d'Ibrahim. Il était un siddiq, hein, il était quelqu'un de véridique et c'était un prophète. Il a dit à son propre père, « Oh mon père, pourquoi tu adores en dehors d'Allah ce qui ne peut ni entendre ni voir et qui ne peut rien te profiter en quoi que ce soit ?» Et la discussion avec son père a continué jusqu'à ce qu'il dit par la suite, à la fin, « Et je me sépare de vous et de ce que vous adorez, et j'invoque mon Seigneur, et je ne serai pas malheureux en invoquant mon Seigneur. » Tu vois. Et lorsqu'il s'est écarté d'eux et qu'il s'est éloigné, il a fait le hijra, comme on l'a dit hier, il a quitté l'Irak et il est parti, hein, parce qu'à l'Irak il y avait l'idolâtrie, les idoles et tout ça, il a quitté ça, il est parti vers Al-Sham et vers Al-Hijaz, et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et on lui a donné comme enfant Ishaq et Yaqub, et les deux étaient des prophètes. Hein? Donc, le cheikh, il mentionne ensuite la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, celui qui abandonne quelque chose pour plaire à Allah, Allah va lui remplacer cette chose-là par quelque chose de meilleur. N'importe quoi, peu importe, quelque chose que tu as, qui est pas bon, ou qui est haram, ou n'importe quoi, et que tu es attaché à cette chose, si tu t'en détaches, et si tu l'abandonnes pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, il va te remplacer cette chose par quelque chose de meilleur. Et ça, c'est la récompense pour avoir été sincère, dans le fait que tu t'es détaché de quelque chose que Allah n'aime pas, pour plaire à Allah, donc Allah subhanahu wa ta'ala, en récompense, il va te donner quelque chose de meilleur. Donc, lui, il s'est détaché de son peuple, il s'est détaché de l'endroit où il vivait, où les gens adoraient autre que Allah, il est parti dans une autre terre qui est étranger, où il était un étranger, où il était loin de sa famille, mais en récompense pour ça, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné, regardez, des prophètes comme enfants. Hein, subhanallah. Donc, ça c'est l'exemple que le cheikh il dit. Ensuite, il dit, « Wal-yawm جماعات يدعون أنهم دعاة إلى الله لا يتبرؤون من المشركين ما داموا على منهجهم الحزبي لا حول ولا قوة إلا بالله والواجب على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى وإذا كان يريد أن يدعو إلى الله فليعرف ما هي الدعوة وما هي أصول الدعوة وما المطلوب من الداعية وأن يكون على طريقة إبراهيم عليه السلام وغيره من النبيين الذين تبرؤوا من المشركين وقاطعوهم بعدما تبرؤوا من الشرك وأخلصوا العبادة لله وحده. الشيخ يقول aujourd'hui il y a des gens qui prétendent être des duat, ils prétendent qu'ils appellent les gens à l'islam, ils prétendent qu'ils appellent les gens à Allah, et pourtant ils ne se désavouent pas des mushrikin. Il s'associe avec les mushrikins et il ne dit pas que ce qu'ils font c'est du shirk, hein, parce qu'ils sont sur un manhaj d'un parti ou d'un groupe ou d'une idéologie et ils agissent avec les autres par intérêt. Donc s'ils ont un intérêt avec d'autres personnes ou d'autres groupes et que ces gens-là sont sur le shirk ou sur une bid'a ou sur des choses qui sont contraires à l'islam, ils ne vont pas leur dire ce que vous faites c'est shirk, ce que vous faites c'est bid'a ou ce que vous faites c'est incorrect. Parce qu'ils ont un intérêt avec ces gens-là. Et ça, c'est ça le problème de ces gens-là qui sont dans des ahzab ou dans des jama'at, dans des groupes aujourd'hui. Et le cheikh il dit, la hawla wa la quwwata illa billah. L'obligation pour le musulman, c'est qu'il craigne Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'il veut appeler les gens à Allah subhanahu wa ta'ala, premièrement, il doit savoir qu'est-ce que c'est la da'wah, en quoi ça consiste, c'est quoi les fondements de la da'wah, hein, qu'est-ce qu'on demande à la personne qui va faire le da'wah, c'est-à-dire la da'ya, la personne qui appelle les autres, c'est quoi les caractéristiques qu'il doit posséder, c'est quoi les choses qu'il doit avoir. Et il faut, le cheikh il dit, il faut que cette da'wah soit sur le même exemple que Ibrahim, dans la façon dont il interagit avec les autres. Et il doit donc se désavouer des mushrikin. Et aujourd'hui, il y a une da'wah qu'on appelle, wa alaykum salam wa rahmatullah, comme si les juifs, les chrétiens et les musulmans, ils disent ça, c'est les religions ibrahimiques. Et donc, ils appellent les gens à dire, il faut accepter les trois religions parce que les trois religions ont comme une référence commune le prophète Ibrahim. Donc ils disent les juifs ils se réfèrent à Abraham, les chrétiens se réfèrent à Abraham et les musulmans se réfèrent à Abraham, donc ces trois religions-là doivent s'unir et former une seule religion. Et donc ils appellent les gens maintenant à ça. Et c'est une forme de qu'est-ce qu'on appelle Tawhid al-Adiyan, de réunir toutes les religions puis de dire qu'elles doivent devenir une seule. Hein, et ça bien entendu c'est contraire à la religion d'Abraham. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala même il a, c'est comme s'il a réfuté cette bid'a ou cette shubha avant même qu'elle apparaisse. Il a dit ma kana Ibrahim yahoudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima wala miyakum minal mushrikin. Ibrahim n'était ni un juif ni un chrétien, mais il était un hanif, un musulman, et il n'était pas parmi les mushrikin. Hein, donc ça veut dire Ibrahim il est venu avant Moussa. Donc il est venu avant la Torah et il est venu avant Moussa, il ne fait pas partie des Juifs, il était en Irak. Et il n'est pas chrétien, il est venu avant Isa, alayhi salam. Donc les Juifs et les chrétiens ne peuvent pas prétendre qu'il appartient à eux. Hein, et leur message qu'ils enseignent est contraire à la base du message d'Ibrahim. Donc ils ont contredit Ibrahim. Et les seuls qui peuvent prétendre réellement de suivre Ibrahim aujourd'hui, ce sont les musulmans. Parce que c'est les musulmans qui suivent exactement le Tawhid, comme Ibrahim l'a amené, et qui se sont écartés de toutes les formes de kufr et de shirk que les juifs et les chrétiens ont suivi aujourd'hui. Donc c'est ça le cheikh il dit, l'exemple de la da'wah doit être sur l'exemple de la voie d'Ibrahim, ainsi que les autres prophètes. Hein, ils se sont tous désavoués des mouchriquines, et ils ont tous coupé les liens avec les mouchriquines, après s'être désavoué du shirk et après avoir purifié leur adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala lui seul. Donc ça c'est pour l'explication du premier verset à propos d'Ibrahim. Maintenant le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a mentionné un deuxième verset dans ce chapitre-là, dans le chapitre 3. Il a mentionné un autre verset comme preuve pour le point de dire que celui qui a accompli le tawhid complètement et parfaitement, il entre au paradis sans jugement et sans châtiment. Et il a donné la preuve dans le verset dans Surat al-Mu'minun, le verset 59. وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ. Donc le cheikh il dit, ثُمَّ قَالَ الشَّيْخ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ. هذه صفة من الصفات التي ذكرها الله في سورة المؤمنون وفي السابقين بالخيرات. قال تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. هذه الصفة الأولى. والثانية والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. والصفة الثالثة وهي العظيمة والذين هم بربهم لا يشركون. والصفة الرابعة والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. هذه الصفات العظيمة هي تحقيق التوحيد من جميع الشوائب، وهذا مجملها وإليك تفصيلها. Donc le cheikh l'a résumé, il a dit voici le verset que le cheikh a mentionné, et ce verset là c'est une parmi les quatre caractéristiques que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans Surat al-Mu'minun, le verset 59, pour décrire ceux qu'on appelle comme étant as-sabiquna bil khayrat, ceux qui ont dépassé tous les autres dans le bien. On a donné l'exemple tout à l'heure, dans le cours passé, et dans d'autres cours auparavant également, qu'on a dit que les musulmans sont divisés en trois catégories. الظالمون لنفسه أو الظالمون لأنفسهم والمقتصدون والسابقون بالخيرات. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui se font du tort à eux-mêmes, qui font des péchés, qui font des choses qui ne sont pas correctes, mais qu'ils n'ont pas fait de shirk, ils sont sur, quand même sur le tawhid. Il y a المقتصدون, ceux qui ne font pas de péché et qui ils font tout ce qu'ils doivent faire, mais c'est-à-dire ils font ce qui est obligatoire et ils ne font pas ce qui est haram, mais ils ne font pas plus que ça. Ceux-là sont al-muqtasidun. Hein? Et il y a le troisième groupe, c'est ceux qui ont évité le shirk, le grand et le petit, hein, le majeur et le mineur, et toutes les formes de péché, et qui ont fait les, qu'est-ce qui est recommandé, et qui se sont dépassés dans l'adoration. Donc ceux-là, c'est as-sabiquna bil khayrat, ceux qui ont dépassé tout le monde, tous les autres dans le bien. Et donc on a dit que ces gens-là sont entre, les musulmans sont en trois catégories. Maintenant le cheikh il mentionne ce verset-là, c'est quatre caractéristiques pour décrire le dernier groupe dont on a parlé, c'est ceux qui ont dépassé les autres dans le bien. Allah les a décrits par ces quatre caractéristiques-là dans Sourate Al-Mu'minun. Il dit « إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ » ceux qui sont remplis d'une crainte de leur Seigneur. Ça c'est la première caractéristique. La deuxième caractéristique, وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ceux qui croient aux signes et aux versets de leur Seigneur. Le troisième, et c'est la plus importante, وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ceux qui n'associent rien avec leur Seigneur. Et la quatrième, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ceux qui donnent ce qu'ils donnent, quand ils donnent des choses pour Allah subhanahu wa ta'ala, et quand ils le donnent, leur cœur frémisse et tremble de crainte, parce qu'ils savent qu'ils vont retourner à leur Seigneur. Donc ça, c'est les quatre caractéristiques d'une façon globale ou générale. Maintenant, le cheikh il va les expliquer, les quatre, mais en détail. Il va les expliquer d'une façon plus détaillée. الصفة الأولى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون الخشية من أعمال القلب وهي الوجل من الله سبحانه وتعالى والخوف من عقابه وخشية منه سبحانه وتعالى أن يعاقب العاصي والمذنب على معصيته ومن أعظم أنواع العبادة والخوف والخشية والرغبة والرهبة والرجاء وكل هذه من أعمال القلب إلا أن الخوف لا يجوز أن يصل إلى حد القنوط بل يكون خوفا مقرونا بالرجاء لا ييأس أو لا ييأسون من روح الله لأنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون والرجاء لا يكون بدون خوف من مكر الله ولا يأمن من مكر الله ويعتمدون على الرجاء فقط يعني ولا يأمنون من مكر الله ويعتمدون على الرجاء فقط ويتركون الخوف أفأمن مكر الله ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون بل المطلوب الجمع بين الخوف والرجاء فلا يخاف حتى يقنط ولا يرجو حتى يأمن من مكر الله بل يكون معتدلا أو متعادلا ولهذا يقول العلماء المؤمن بين الخوف والرجاء كالطائر بجناحين لو اختل جناح من الأجنحة سقط الطائر وكذلك المؤمن إذا اختل خوفه أو رجاؤه سقط. Donc le cheikh explique la première caractéristique de ceux qui sont as-sabiquna bil khayrat. Il dit que ce sont ceux qui sont remplis d'une crainte de leur Seigneur. Et il dit que la crainte c'est une des actions du cœur. Et c'est le fait que ton cœur a peur d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son châtiment et de la peur d'être puni pour un péché, lorsque tu fais un péché, et ça fait partie des actions du cœur. Et le chef il dit que par contre, il ne faut pas exagérer dans la crainte au point où tu commences à perdre espoir en la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut que tu aies la crainte à Allah, mais en même temps, il faut que cette crainte soit accompagnée d'une espoir en la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'un autre côté également, il ne faut pas, il mentionne le verset, donc il dit il ne faut pas perdre l'espoir en la miséricorde d'Allah, parce que celui qui perd l'espoir en la miséricorde d'Allah, eh bien ce sont les gens qui sont mécréants, ce sont les koufars qui perdent l'espoir en Allah. Et lorsqu'on dit qu'il faut avoir de l'espoir en la miséricorde d'Allah, il ne faut pas exagérer non plus dans ça, au point où on se sent en sécurité contre les ruses d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que celui qui se sent en sécurité contre les plans d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui se repose uniquement sur son espoir et qui abandonne la crainte, et bien ceux-là ils sont dans un autre extrême également, hein, et ça bien entendu ça fait partie des kaba'ir, ça fait partie des plus grands péchés. Et le cheikh il mentionne le verset qui dit afa aminu makrallah, est-ce qu'ils se sont sentis en sécurité de la ruse ou du plan d'Allah subhanahu wa ta'ala, et personne ne peut se sentir en sécurité contre les plans d'Allah subhanahu wa ta'ala excepté les perdants. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et il dit que donc les musulmans ils doivent réunir ces deux caractéristiques là, la crainte et l'espoir. Donc il ne peut pas, il doit pas craindre jusqu'à ce qu'il perde espoir, et il ne doit pas avoir l'espoir au point où il va se sentir en sécurité contre les plans d'Allah ou les ruses d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il doit être entre les deux, il doit être juste. Et c'est pour ça que les ulama ont dit que le mu'min, il est entre la crainte et l'espoir comme un oiseau avec ses deux ailes, hein. S'il perd un de ses deux ailes, il ne peut pas voler. Donc c'est la même chose pour le mu'min, il doit avoir les deux, la crainte et l'espoir, sinon il tombe. La deuxième caractéristique, الشيخ يقول الصفة الثانية والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. الشيخ يقول يؤمنون بآيات الله أي يصدقون بها ويعملون بها، وآيات الله القرآن، ويؤمنون به بمعنى أنهم يصدقون أنه كلام الله تكلم الله به وحيا ونزل به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحفظه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل وبلغه للناس إنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين يعني جبريل عليه السلام على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذه صفات القرآن، فيؤمن هؤلاء المؤمنون بأن هذا القرآن هو خطاب ربهم لهم أمرا ونهيا وتعريفا به سبحانه وبصفاته وإخبارا لهم عن الغيوب الماضية والغيوب المستقبلة. هذا القرآن أعظم الكتب التي نزلت من السماء، وقد أودع الله فيه من العلوم العظيمة والأسرار العظيمة ما لا يعلمه إلا الله، والعوام يفهمون من القرآن، والمبتدئون في التعليم يفهمون من القرآن، والراسخون في العلم يفهمون أكثر من غيرهم، كل على قدر ما أعطاه الله، لأن القرآن كما يقول ابن عباس على أربع أنواع، منه ما تعرفه العرب من لغتها كالنار والجنة والزنا والخمر والشرك والكفر والربا، ومنه لا يعبر أحد بجهالته مثل معرفة الصلاة والصيام والحج وأركان الإسلام، كل واحد مطالب بأن يعرفها، ومنه ما يعرفه العلماء خاصة كالمحكم والمتشابه والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ والعام والخاص. هذه الأنواع إنما يعرفها العلماء الذين درسوا علوم الشريعة. والنوع الرابع ما لا يعلمه إلا الله، وهو حقيقة أو وهو حقائق ما ذكره الله في القرآن من الجنة والنار وكيفية صفات الرب سبحانه وتعالى، ونحن نعرف معانيها ولكن كيفيتها لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، إلا هو، وسمعه وبصره وعلمه ووجهه ويده سبحانه وتعالى لا يعلم كيفيتها إلا الله، ونزوله إلى السماء واستواءه على العرش وكيفيتها لا يعلمها إلا الله، ولكن المعاني اللغوية نعرفها ونفهمها. Donc le cheikh explique la deuxième caractéristique en ce qui concerne le fait que ceux-là qui ont dépassé les autres dans le bien et dans la foi, eh bien ils sont ceux qui croient en les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala et les ayats de Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh il dit que les ayats d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut y croire et il faut les appliquer, et ces signes-là ou ces ayats, ce sont les versets qui sont dans le Coran. Donc il faut y croire, et ça signifie quoi? Ça signifie que tu dois croire que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois croire que le Coran c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit cette parole-là, il a prononcé cette parole-là, et il l'a révélée, et il l'a fait descendre avec Jibril jusqu'au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il l'a mémorisé de Jibril, et il l'a transmis aux hommes. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit, نَزَلَ بِهِ إِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَلَمِينَ. C'est une révélation qui vient du Seigneur des mondes. Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait descendre par Jibril, Ar-Ruh Al-Amin. Ar-Ruh Al-Amin, l'esprit, Ar-Ruh Al-Amin, l'esprit Al-Amin, c'est celle qui est fidèle ou fiable. Et c'est Jibril, c'est l'ange Gabriel. Ala qalbik, sur le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire Allah il dit sur ton cœur pour que tu sois parmi les avertisseurs, bilisanin arabiyyin mubin, dans une langue arabe pure et claire. Okay? Donc ça c'est la preuve que le Coran, il est révélé en langue arabe. Barakallahu fikasi. Le Coran il est révélé donc en langue arabe. Wa hadhihi sifatu al-Qur'an, ça c'est des descriptions du Coran. Donc ils croient, les mu'minoun, as-sabiquna bil khayrat, ceux qui ont ces caractéristiques-là, parmi les choses qu'ils ont comme caractéristiques, c'est qu'ils croient en ça. Ils croient, ces gens-là, que le Coran c'est le discours d'Allah subhanahu wa ta'ala, par lequel il s'est adressé à sa création, en donnant ses ordres et ses interdictions, et pour leur faire connaître Allah, pour Allah a voulu se faire connaître lui-même à ses créatures, donc il s'est fait connaître par ce livre-là, il a fait connaître ses attributs, et il a informé les êtres humains des informations en ce qui concerne les choses invisibles qui étaient dans le passé, et les choses invisibles qui sont dans l'avenir, les choses qu'on ne connaît pas, excepté par la révélation. Donc le Coran c'est la plus grande révélation qui est descendue du ciel, et Allah subhanahu wa ta'ala il a mis dans ce livre des sciences énormes et incroyables, et des secrets également qui sont incroyables, que seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît. Il y a des secrets dans le Coran que seul Allah subhanahu wa ta'ala peut connaître. Toutefois, parmi les choses qui sont dans le Coran, il y en a des choses que les gens ordinaires peuvent comprendre. Il y a des choses que les débutants dans l'étude du Coran peuvent comprendre. Il y a des choses que les savants qui sont profondément ancrés dans la science peuvent comprendre, et eux ils comprennent plus que les autres, parce que ce sont des savants, ce sont des ulama. Mais tous et chacun comprennent du Coran selon la proportion que Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné de cette compréhension-là. Parce que le Coran, comme Ibn Abbas a dit, il est en quatre catégories. Ou bien on peut dire qu'il y a quatre sortes de choses qu'on peut comprendre dans le Coran. La première catégorie, c'est ce que tous les Arabes peuvent comprendre. C'est-à-dire les Arabes du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui connaissaient l'arabe pur, eh bien eux, ils comprenaient les mots qui sont utilisés dans le Coran, parce que c'est dans leur langue. Donc quand ils entendent le mot nar, jannah, zina, khamar, ou d'autres termes comme ça, hein, c'est-à-dire le feu, le paradis, zina c'est l'adultère, la fornication, l'alcool, le shirk, le kufr, le riba, ils comprennent ces mots-là parce que ça fait partie de leur langue. Et parmi les choses qui sont dans le Coran également, c'est les choses que personne n'a d'excuse pour l'ignorer, c'est-à-dire personne n'est excusé de ne pas les connaître, comme par exemple de connaître la salat, de connaître le jeûne, de connaître le hajj, de connaître les piliers de l'islam. Ça, c'est des choses que chaque musulman est commandé de connaître dans sa religion. Et il y a dans le Coran également des choses que seuls les ulama peuvent connaître. Et il donne des exemples comme par exemple al-muhkam ou al-mutashabih, les choses qui sont muhkam, c'est-à-dire des choses qui ont seulement une signification, qui sont claires, et d'autres qui sont mutashabih, c'est-à-dire c'est équivoque, que ça peut avoir plusieurs interprétations. Il y a al-mutlaq ou al-muqayyid, des choses qui sont dites d'une façon absolue, d'autres qui sont dites d'une façon plus définie. Al-nasikh ou al-mansukh, des choses qui ont été abrogées, et il y a des versets qui abrogent d'autres. Il y a des choses qui sont générales, d'autres qui sont plus particulières. Donc, ces choses-là, c'est des règles qu'on trouve dans les livres de Usul al-Fiqh. Et ça, c'est les ulama qui les connaissent, parce qu'ils les ont étudiés, et ils ont étudié la charia en détail. Et donc, ils connaissent des détails du Coran que les autres personnes ne connaissent pas, parce qu'ils ne les ont pas étudiés. Donc, ça, c'est une catégorie de science ou de compréhension dans le Coran que seulement les ulama possèdent. Et il y a une quatrième catégorie de ce qui est dans le Coran que seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît, et c'est les choses qui font partie des réalités de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le Coran, comme par exemple la réalité du paradis, la réalité de l'enfer, comment Allah subhanahu wa ta'ala est, comment sont ses attributs. Le comment de ses attributs, on ne peut pas le connaître. On connaît la signification des termes et des mots utilisés, mais on ne connaît pas la description ou le comment de son être ou de ses attributs. Comme par exemple, comment est son ouïe, comment est sa vue, comment est sa connaissance, comment est son visage, comment est sa main, toutes ces choses-là, on ne peut pas les connaître et on n'a pas le droit de les demander ou de chercher à les comprendre non plus. On ne peut pas non plus connaître comment Allah subhanahu wa ta'ala descend au dernier des cieux, au dernier tiers de la nuit, ou comment il s'est élevé sur son trône. Toutes ces choses-là, ces descriptions-là, seul Allah subhanahu wa ta'ala peut les connaître. Mais les termes, les mots utilisés, et les termes dans le sens linguistique, tout le monde est capable de les connaître et tout le monde est capable de savoir ce qu'ils veulent dire parce que c'est des mots arabes. D'accord ? Ensuite, il dit « Fama'na qawluhu ta'ala wal-lazina hum bi ayati rabbihim yu'minun » أي يصدقون بهذا القرآن ويتدبرونه ويشتغلون به ويعتنون به ويعملون بما فيه وما أمرهم به فعلوه وما نهاهم عنه تركوه وما أخبرهم به صدقوه وأمنوا به وما اشتبه عليهم ردوا علمه إلى الله سبحانه وتعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا هذه طريقة المؤمنين مع القرآن بخلاف المنحرفين فإنهم لهم مع القرآن مواقف سيئة فمنهم الذين قالوا إن القرآن مخلوق والذين قالوا إن القرآن له ظاهر وله باطن وهم الباطنية وهؤلاء لا يؤمنون بآيات الله عز وجل والذين قالوا إن ظاهر القرآن غير مراد لأنه يوهم التشبيه والتجسيم فيما يخبر عن الله عز وجل. Donc le cheikh il explique que pour montrer que des contradictions à ce verset là, il dit donc ceux qui ont cru, ceux qui ont cru en ce Coran, c'est ceux qui ont médité sur ses significations et qui s'occupe en le lisant et qui lui donne une importance et qui agissent selon ses enseignements, et ce que le Coran ordonne ils le font, et ce que le Coran interdit ils le laissent, ils l'abandonnent, et ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné d'informations dans le Coran ils y croient, et ceux qui ne savent pas ou ceux qui n'est pas clair pour eux ils le renvoient ou ils le remettent à Allah subhanahu wa ta'ala. Ok? Et Allah subhanahu wa ta'ala, le cheikh il mentionne le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat Al-Imran, le verset 7, et ceux qui sont fermement ancrés dans la science, ar-rasikhuna fil 'ilm, ils disent nous y croyons, tout ce qui est dedans vient de notre Seigneur. Ça, c'est la voie des mu'minines. Les mu'minines, s'ils ne comprennent pas quelque chose dans la révélation, dans le Coran ou dans la Sunna ou quoi que ce soit de ces choses-là, ils ne vont pas le nier ou le rejeter. Plutôt, ils disent, c'est Allah qui sait sa signification et ils y croient. Tandis que, le cheikh dit, tandis qu'il y a des groupes ou des gens qui sont déviés et qui ont une mauvaise attitude ou une mauvaise approche envers le Coran, et parmi eux, par exemple, il y en a qui ont dit que le Coran est créé, comme les Mu'tazila, par exemple, et les Jahmiya. Ceux-là, c'est des groupes parmi les gens de Bid'a qui ont trouvé un moyen pour essayer de rejeter le Coran d'une façon indirecte, et c'est de dire qu'il est créé, que c'est pas la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils refusent de dire que c'est la parole d'Allah. Ils donnent un autre exemple. C'est ceux qui ont dit que le Coran, il a un côté apparent et un côté caché. Zahirun wa batin. Donc ils disent, vous connaissez le côté apparent du Coran, nous on connaît le côté caché yani, du Coran. Donc le côté caché du Coran, c'est seulement nous qui pouvons le connaître et qui pouvons le comprendre parce qu'on a été initié à certaines connaissances secrètes que seul notre groupe ou seul notre petite compagnie là peuvent connaître, et les autres musulmans peuvent pas le connaître, excepté s'ils sont initiés à ce qu'on dit, et puis par la suite ils vont le comprendre, la réalité du Coran. Donc ces gens-là, c'est des batiniyoun, et ça c'est des groupes parmi des sectes qui ont existé dans la Umma depuis des siècles et qui existent encore aujourd'hui, comme par exemple la secte qu'on appelle les Ismaélites, l'Ismaéliyoun, ou bien Al-Qaramita, ou bien Ad-Duruz, ou Al-Nusayriya. Par exemple, les Nusayriya, c'est ceux qu'on appelle les Alawiyoun en Syrie aujourd'hui. C'est eux qui sont au pouvoir en Syrie. Et c'est une secte qu'on appelle Al-Nusayriya. Ces gens-là, ils ont une croyance. En fait, c'est des gens qui ne croient même pas en le Coran ni en la Sunna. Ça, c'est des gens qui disent, le Coran, il a un côté caché et un côté apparent. Nous, on connaît le secret, le cachet de la signification du Coran. Et c'est pour ça que, en apparence, si tu vois comment ils sont, comment ils parlent, c'est des gens qui sont musulmans. Ils parlent, ils disent oui, on croit en Coran, on croit en l'islam. Mais entre eux, dans leur petit groupe, quand ils se réunissent, ils disent, c'est pas ça l'islam. Le Coran, qu'est-ce qu'il nous dit là? C'est juste des choses en apparence. Ça, c'est pour les gens ordinaires. Mais nous, on est déjà initiés, on a une connaissance des secrets dans le Coran. Donc, en réalité, la salat, c'est pas faire 5 prières par jour. Le saum, c'est pas jeûner comme les musulmans qui jeûnent, là, comme ça. Le hajj, c'est pas comme eux et comme les musulmans font, là. Ça a une autre signification secrète pour eux. Après, ils vont dire, les choses là, comme l'alcool, c'est pas haram, c'est haram juste pour les autres, mais pour nous, ça a une autre signification. Le zina, c'est pas haram, donc ils se rendent halal tout ce qui est haram. Et tout ce qui est dans l'islam d'obligation et de principe, ils le changent, ils le rejettent, ils le nient, ils leur donnent une autre signification. Donc c'est des groupes qu'on appelle des batiniyoun, et c'est des gens de bid'a bien entendu, et même c'est des Zanadiqa, comme les ulama les ont appelés des Zanadiqa, ok. Et donc il y a des groupes comme ça qui sont présents actuellement même dans les pays musulmans et qui appellent à ces choses-là. Des fois même il y en a, vous entendez des fois à la télé des gens qui font des commentaires ou qui critiquent ou qui parlent de l'islam et qui se disent musulmans, et vous vous demandez mais comment un musulman peut dire des choses pareilles, parce que souvent c'est des gens qui font partie de ces sectes ou de ces groupes déviés, et ils disent qu'ils sont musulmans comme ça en apparence, mais en réalité ce ne sont même pas des musulmans. Donc eux, c'est des gens qui croient que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'était juste un être humain intelligent, qui avait beaucoup d'imagination, et qui a décidé donc d'inventer un livre comme ça pour contrôler les gens, pour dire aux gens, faites pas ça, faites ça, pour bien les orienter ou pour éviter qu'ils fassent des choses mauvaises. Mais c'était pas une révélation que Dieu lui a donnée ou des choses de ce genre. Il compare un peu les prophètes à des philosophes. Pour eux, les prophètes sont comme des philosophes. Et donc, pour eux, quelqu'un peut devenir prophète juste en ayant de l'intelligence. s'il est très, très intelligent, pour eux, ils considèrent que c'est comme un prophète. Donc, c'est pour ça que ces gens-là, ils se prétendent musulmans alors qu'ils n'ont rien à voir avec l'islam. Donc, ça, c'est le groupe de Batiniyoun. C'est un autre groupe parmi ces gens-là. Puis, il y a ceux qui disent, par exemple, que qu'est-ce qui est dans le Coran, le sens apparent dans le Coran, c'est pas ça qu'on doit suivre. Parce que, ils disent que si tu suis qu'est-ce qui est dans le Coran, dans le sens apparent, ça va t'amener à faire le tashbih ou le tajsim. Ça, c'est des gens qui nient les noms et les attributs d'Allah. Ils disent, tu dois pas dire que, par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala a une main ou un visage ou des choses de ce genre, parce qu'ils disent que si tu dis ça, ça fait comme si tu fais ressembler Allah à sa création. Okay? Donc, c'est une autre méthode qu'ils utilisent pour nier qu'est-ce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toutefois, on peut leur répondre facilement quand on leur dit par exemple que Allah subhanahu wa ta'ala il est Samir et il est Basir. Tout le monde est d'accord qu'il est Samir et qu'il est Basir. Toutefois, quand on dit qu'il est Samir, ça ne veut pas dire que quand on dit qu'il entend ou qu'il est audient, qu'il a l'ouïe, est-ce que ça veut dire que son ouïe est comparable à celui des créatures, à celui des animaux ou des êtres humains? Non. Allah subhanahu wa ta'ala, son ouïe, elle est parfaite. Elle est parfaite, contrairement à celle des êtres humains qui est limitée. D'accord? Donc, même si on affirme l'attribut et que c'est un attribut qui ressemble dans le mot, c'est le même mot qu'on utilise pour l'être humain ou pour Allah, mais dans la réalité de cet attribut-là, il n'y a aucune comparaison et aucune ressemblance. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, laysa kamithli shay'un. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اي نعم منزه عن النقائص كم شيخ الدين الله لا aucune imperfection aucune faiblesse dans ses attributs et dans ses noms. Donc on affirme ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est affirmé pour lui-même et on dit le Coran, le sens apparent du Coran tel qu'il est, il n'y a aucune chose dans ces sens-là qui peuvent impliquer une imperfection quelconque. Si quelqu'un s'imagine qu'il y a dans les textes du Coran et dans les attributs d'Allah une imperfection quelconque, l'erreur n'est pas dans le Coran mais dans sa compréhension à lui et dans son imagination. C'est parce que lui il a essayé d'imaginer Allah avec sa tête, il a essayé de faire des comparaisons entre une créature et Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est pour ça qu'il est tombé dans cette erreur-là et par la suite il essaie de nier les attributs d'Allah. Il dit non, la main c'est pas une main, ça veut dire la force. اليد هي القدرة والاستواء معناه الاستيلاء والغلبة يعني des choses comme ça. Il essaie de changer le sens des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala pour déformer leur signification dans le but de s'enfuir soi-disant du tashbih et du tajsim, alors qu'en réalité c'est eux-mêmes qui s'enfuient du tajsim parce qu'ils ont fait le tajsim et le tajbih dans leur propre tête, dans leur imagination. Et à cause de ça, ça les a amenés à faire ta'til, c'est-à-dire à nier la réalité des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça, c'est un autre exemple comment ces gens-là sont déviés à ce sujet-là. Et il y a également ceux qui utilisent d'autres formules, comme par exemple qui disent il ne faut pas suivre le texte du Coran, il faut suivre l'esprit du Coran. Ou l'esprit de l'islam. C'est pas les règles de l'islam qu'il faut suivre, c'est l'esprit de l'islam. Et donc c'est des façons qu'ils utilisent encore une fois pour détourner les gens de respecter les règles et les applications de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de nos jours il y a beaucoup de choubouhat comme ça, parce qu'on vit dans une époque où l'ignorance de l'islam est répandue partout. Le cheikh dit الصفة الثالثة والذين هم بربهم لا يشركون هذا هو تحقيق التوحيد لا يكون لا يشركون أبدا شركا أصغر ولا شركا أكبر يعني لا يقع منهم شرك أبدا هؤلاء الذين حققوا التوحيد سلموا من الشرك الأكبر والأصغر الخفي والجلي وكل أنواع الشرك والمخالفات. Donc le cheikh il dit, la troisième caractéristique de ces gens-là, c'est qu'ils ne font pas de shirk. et ils ont établi la réalité du tawhid en eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils ne font pas aucune forme de shirk, que ce soit du shirk mineur ou majeur, ou que ce soit du shirk qui est caché ou apparent, ils ne font pas de shirk, ils ont été écartés et éloignés du shirk, donc ils ne font jamais de shirk, et ils ne font aucune forme de shirk, et aucune forme de bid'ah ou de contradiction à l'islam et à la sharia. Quatrièmement, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا مِنَ الطَّاعَاتِ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ يعني خائفة أنهم إلى ربهم راجعون نفي عنهم الإعجاب بأعمالهم فهم يعملون الأعمال الجليلة ويخافون من الله أن يردها عليهم فهم يخافون أن ترد عليهم أعمالهم بخلل وقع فيها لأن الإنسان ليس معصوما فهم جمعوا بين الطاعات والخوف بين الطاعة والخوف أما أهل التفريط فجمعوا بين الكسل والأمن من مكر الله عز وجل. Le Cheikh dit, la quatrième caractéristique de ces gens-là, c'est qu'ils donnent ce qu'ils donnent, s'ils donnent des, ou qu'ils font des actes d'adoration ou d'obéissance, et quand ils les font, leur cœur est rempli de crainte. Parce qu'ils savent qu'ils vont retourner à Allah subhanahu wa ta'ala, ils vont être jugés. Donc, ça c'est pour dire que ils ont pas, ils sont pas comme éblouis eux-mêmes par leurs propres actions. Des fois, quelqu'un il fait des bonnes œuvres et il en est fier, il est ébloui. Il dit, ah, moi, mashallah, j'ai fait des bonnes choses, j'ai fait beaucoup de ibadat. Donc, ces gens-là, as-sabiquna bil khayrat, ils font pas ça. Quand ils font une bonne action, ils ont peur que leur action soit pas acceptée. Ils disent pas, ah, mashallah, j'ai fait ci, j'ai fait ça dans l'islam, Allah, il va m'aimer. Non. Il fait des bonnes actions, mais il a toujours peur que peut-être ses actions vont pas être acceptées d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que peut-être que je l'ai fait, cette action, mais qu'il y a un défaut dedans. Ou peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai mal fait dedans. Ou que je l'ai pas fait comme il faut. Ou que mon intention était pas correcte. Donc, l'être humain, il fait des bonnes œuvres, le musulman il fait des bonnes actions, mais il n'est pas en sécurité. Il a toujours peur que peut-être ses actions vont pas être valables pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'être humain il n'est pas infaillible. Et donc il faut faire l'adoration et l'obéissance et avoir quand même une crainte d'avoir fait une erreur ou quelque chose pas correct dedans. Toutefois, il y en a d'autres parmi les musulmans parfois qui négligent cet aspect-là. Et donc, parfois, il y en a qui ne font pas les actions, ils sont paresseux. Et en même temps, ils se sentent en sécurité contre les ruses ou les plans d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est incorrect. Et après, le Cheikh il dit, « لِذَلِكَ يَقُولُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَنْ يَدْخُلَ أَحَدُكُمْ الْجَنَّةِ بِعَمَلِهِ قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل هذا هو مقام تحقيق التوحيد فالجنة لا تدرك بالأعمال وإنما الأعمال سبب لدخول الجنة ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون فقال العلماء الباء باء السببية ليست الباء للثمنية فالعمل الصالح سبب لدخول الجنة والله لا يضيع أجر من أحسن عملا وإدخاله عباده الصالحين الجنة تفضل منه وإحسان منه سبحانه وتعالى والله تعالى يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إذا كنت لا تستطيع عدها فكيف تستطيع الشكر ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك ولا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك هذا سيد الأنبياء وإمام المرسلين وأفضل الخلق يعترف أنه لا يحصي الثناء على الله سبحانه وتعالى فكيف بغيره. Donc le cheikh il dit ici d'Allah subhanahu wa ta'ala, oui c'est ça, parce que on va expliquer ça après inchallah. Le cheikh il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit personne n'entrera au paradis à cause de ses actions ou par ses actions, personne n'entrera au paradis par ses actions. Alors ils ont dit, même toi, ô messager d'Allah, même toi tu ne vas pas rentrer au paradis par tes actions. Il a dit, même moi, excepté si Allah nous couvre de sa grâce et de sa miséricorde. Et le cheikh il dit que ça c'est le niveau où on a établi le tawhid, quand on a réalisé la vraie signification du tawhid, on comprend cette signification-là, parce que le paradis ne peut pas être gagné par des actions. Les actions sont une cause pour nous faire rentrer au paradis, mais c'est pas par nos actions qu'on rentre au paradis. Le cheikh il dit le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit entrez au paradis à cause de ce que vous faisiez. Ou bima kuntum ta'malun. Le verset 32. قال العلماء, les ulama ont dit le ba dans ce verset là c'est un ba sababiyya et non pas un ba listamaniyya. Ça veut dire que c'est pour dire que ces actions là que tu fais, c'est pas comme si c'est par ces actions là que tu achètes ton paradis. C'est en fait une cause que si tu les fais, ça va être une cause pour te faire entrer au paradis, mais c'est pas par tes actions que tu gagnes ton paradis. Parce que même si tu voulais essayer de gagner ton paradis par tes actions, tu peux pas. Parce que juste tu prends par exemple, le cheikh il dit, essaie de compter les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala. Essaie de les compter, combien de grâces Allah a mis sur toi. Et tu n'arrives pas à les compter. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, et si vous essayez de compter les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous n'êtes pas capable de les dénombrer, vous n'êtes pas capable de les compter tellement qu'elles sont nombreuses. Hein? Donc, comment vous pensez que vous allez pouvoir entrer dans le paradis à cause de des actions, par les actions que vous avez faites? C'est comme une fois un frère qui m'a donné un exemple. Il y a une personne qui voulait rentrer, qui pensait qu'il entrait au paradis par ses actions. Il a dit, oh, ya Allah, je rentre au paradis par mes actions. Il lui a dit, non, tu rentres pas au paradis par tes actions, tu rentres au paradis par ma miséricorde et par ma grâce. Alors, je pense qu'il a pris un de ses yeux, il l'a mis dans la balance, et il a mis un seul de ses yeux, puis un seul de ses yeux c'était comme plus lourd que toutes les actions qu'il avait faites. C'est pour dire que la miséricorde de la vue que Allah t'a donné, ni'matul basar, c'est plus grand que toutes les bonnes actions que tu pourrais faire. Hein? C'est comme si je te disais aujourd'hui, vends-moi un de tes yeux. Quelle somme d'argent tu vas me demander comme prix pour ça? Je pense que même un milliard de dollars, ça va pas être suffisant pour vendre tes yeux. Ou bien ton bras. Ou bien ta jambe ou ton pied. Ça, c'est juste des exemples. Mais c'est pour te dire. Non. Oui, c'est ça. C'est un hadith qudsi que j'ai entendu. Je ne sais pas s'il est sahih, mais en tout cas, je me souviens de cette histoire. C'est pour dire, yani, regardez, tu penses que tu veux rentrer au paradis par tes actions? Ou par toi-même, par qu'est-ce que tu as fait, tu peux même pas rembourser une seule des grâces que je t'ai données. Hein. Donc, c'est pas par tes actions que tu rentres au paradis. Mais les actions, c'est une cause qui te fait rentrer au paradis, mais c'est pas à cause de ça que tu rentres au paradis, c'est à cause de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le cheikh il dit par la suite, il dit, regardez par exemple, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait le dua. Et dans son dua, il dit, oh Allah, je cherche la protection en ta satisfaction contre ta colère, et en ton pardon contre ton châtiment, et en toi contre toi. Je ne peux pas arriver à te glorifier tel que tu le mérites. C'est-à-dire, je ne pourrais pas te glorifier à un point où je t'aurais glorifié suffisamment. Tu es tel que tu t'es glorifié toi-même. Seulement Allah subhanahu wa ta'ala est capable de s'adorer, de se glorifier tel qu'il le mérite. Hein? Seulement Allah. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. C'est le meilleur pour se glorifier lui-même, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et non, même comme le cas, il y a des anges hein, qui sont créés, eux, ils adorent à chaque instant, et ils ne cessent jamais de le faire, et ils ne se fatiguent jamais de le faire, et ils ne font jamais de péché. Hein. Donc, à côté de nous, hein, nous on est loin de ça. Non. Mashkourana. Non, mashallah. Non, c'est ça. Donc, c'est l'ikhlas, le sidq, c'est ça l'important. Après, le cheikh dit فهؤلاء يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون لأن أعمالهم أقل بكثير مما يجب عليهم ثم أيضا لا يضمنون أنها تكون متقبلة قد تكون مردودة بسبب من الأسباب ولهذا يقول الله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين ومن يضمن لنفسه أنه من المتقين ولكن الإنسان يعمل ولا ييأس ولا يقنط ويحسن الظن بالله إنما لا يستكثر عمله أو يتمنى على الله قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم لما سمعت هذه الآية والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون قالت يا رسول الله أهم الذين يزنون ويسرقون ويشربون الخمر ويخافون أن يعذبهم أو يعذبوا بذنوبهم قال لا يا ابنة الصديق ولكنهم يصلون ويصومون ويجاهدون ويخافون أن ترد عليهم أعمالهم. Donc le cheikh il a dit, ceux-là qui ont cette caractéristique-là, ils font des choses dans l'islam, ils adorent Allah et leur cœur est rempli de crainte qu'ils vont retourner à leur Seigneur. Parce que leurs actions sont moins que ce qui est obligatoire pour eux, dans le sens que si l'un d'entre nous devait réellement adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme Allah subhanahu wa ta'ala le mérite, hein, eh bien, aucun d'entre nous serait capable. Hein. C'est pour ça que quand Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Oh les croyants, craignez Allah comme il mérite d'être craint. Personne n'est capable de craindre Allah comme il mérite d'être craint. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans un autre verset, Fattaqullaha mastata'tum. Craignez Allah tel que vous pouvez. Autant que vous pouvez. Et les ulama, ils ont dit, celui qui a craint Allah tel qu'il, autant qu'il le peut, il a craint Allah comme il mérite d'être craint. Parce que si tu essaies de craindre Allah tel qu'il mérite d'être craint, tu ne peux pas. Hein? Eh na'am. Eh na'am. Eh na'am, subhanallah. Donc, c'est pour ça, le cheikh il dit, et de même qu'ils ne sont pas certains, ou ils ne disent pas que nos actions sont acceptées et que c'est garanti. Personne n'a de garantie que ces actions sont acceptées. Peut-être qu'elles pourraient être rejetées ou refusées pour une cause quelconque. Hein. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 27 dans Surah Al-Ma'idah qu'il n'accepte les actions que de ceux qui sont les muttaqin, ceux qui ont la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lequel d'entre nous peut dire avec certitude à propos de lui-même qu'il est parmi les muttaqin. Hein? Donc ça c'est une question importante. Mais l'être humain, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire ses actions il ne doit pas perdre espoir, il ne doit pas désespérer, il doit avoir une bonne pensée à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. وإنما لا يستكثر عمله c'est-à-dire il ne fait pas des actions puis il pense qu'il a fait beaucoup et non plus il n'essaie pas de parler à Allah ou d'agir avec vis-à-vis Allah subhanahu wa ta'ala comme s'il lui fait une faveur à Allah, comme si tu adores Allah comme si tu es en train de lui faire une faveur. Ya Allah, je suis en train de t'adorer, donc il faut que non, a'oudhu billah, ça c'est pas permis pour le mu'min. Et le cheikh il mentionne le hadith de Aïcha radiallahu anha, lorsqu'elle a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand elle a entendu le verset, ceux qui donnent ce qu'ils font alors que leur cœur est rempli de crainte qu'ils vont retourner à leur Seigneur, elle a dit, ô messager d'Allah, est-ce que ce sont des gens qui font le zina et qui volent et qui boivent de l'alcool et qui craignent qu'ils vont être punis par Allah subhanahu wa ta'ala pour leur péché? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non. Non, fille de As-Siddiq, c'est-à-dire la fille d'Abu Bakr. Mais ce sont des gens qui font la salate, et qui font le jeûne, et qui font le djihad. Mais ils craignent que leurs actions ne seront pas acceptées d'Allah. Et après, le verset qui suit ça, ça dit « Oulaika yusari'una fil khayrat, wa hum laha sabiqun ». Le verset par la suite, il dit « Ceux-là, ceux qui ont ces quatre caractéristiques-là, ce sont ceux qui se précipitent dans le bien et qui font le bien, et c'est eux qui sont les premiers dans le bien. » D'accord? Donc, ça c'est pour l'explication de ce verset-là. Non, il ne faut jamais... Exactement. Il ne faut jamais être fier ou satisfait de nos actions pour dire « Ah, moi, ça y est, j'ai fait telle action, donc je suis satisfait de moi-même. » Le mu'min, comme si on a fait la prière en jama'a, on a prié ensemble. On ne dit pas « Bon, alhamdoulilah, moi, ça y est, j'ai prié, j'ai fait ce qui est wajib pour moi. » Tu sais pas, peut-être qu'elle ne va pas être acceptée, ta salat. Peut-être que tu n'es pas concentré dans ta salat. Peut-être qu'il y a une raison, pour une raison ou pour une autre. Allah seul sait si ta prière va être acceptée. Donc c'est pour ça. Tu ne prends pas ça comme une faveur ou une grâce que tu fais à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Naam. Ah, mais ça c'est, il clôture son obéissance par un péché, hein, et ça c'est... Non mais, Allahu A'lam, je peux pas décider, pas accepter ou non, mais en tout cas c'est quelque chose d'absurde. C'est comme celui qui brise son jeûne avec une cigarette. Il y a des gens qui font ça. Ils brisent le jeûne. Une fois qu'ils ont brisé le jeûne, ils font fumer une cigarette. Hein? Allahu A'lam. Peut-être qu'Allah va accepter quand même. Mais Allahu A'lam, ya akhi. Ça, ce verset-là, ça s'applique. Dans ce cas-là, quelqu'un doit avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala quand il fait une bonne action. Hein? Mais si après, tout de suite après l'avoir fait, tu fais un péché comme ça, ben, qu'Allah nous protège. Hein? Ben, il y a des signes que tes actions sont acceptées. Et parmi les signes que ton action est acceptée, il y a des ulama qui ont dit que la preuve que, ou le signe que ton action est acceptée, c'est que quand tu as terminé de le faire, tu augmentes en bien. Et tu fais plus de bonnes actions. Ça, c'est un des signes que ton action est acceptée dans Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'ils ont demandé, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, par exemple, Al-Hajj al-Mabrur, laysa lahu jaza illa al-Jannah. Le Hajj que tu fais qui est Mabrur, c'est, il n'y a pas de récompense pour ce Hajj-là, excepté le paradis. Et il a dit que celui qui fait le Hajj Mabrur, il revient comme il est né, comme quand le jour où sa mère l'a mis au monde. C'est-à-dire, il revient, il n'a plus de péché. Ça, c'est le Hajj al-Mabrour. Maintenant, ils ont dit, ouais, mais comment on fait pour savoir si notre Hajj est Mabrour? Comment on fait pour savoir si notre Hajj, il est accepté, qu'il est bien comme ça? Eh ben, les ulama, ils ont dit, le signe de ça, c'est que lorsque la personne revient, elle revient meilleure que lorsqu'elle est partie. Et elle augmente dans le bien. Ça, c'est une des explications que j'ai entendues de la part des ulama. Non, c'est ça. Non, c'est ça. Comme de peut avoir peur aussi que cette action-là soit rejetée de la part d'Allah. Parce qu'il y en a parmi nous, des fois on fait la salat, ça y est, c'est comme si c'est un fardeau. Il y en a qui ont fait la prière, des fois c'est comme un fardeau. Ah, je suis obligé de faire la prière, ah, je vais la faire. Et là tu l'as fait, et là quand tu as fini, ça y est, là, je me suis débarrassé de cette obligation. Donc, c'est ça. Donc, cette attitude-là, c'est pas l'attitude d'un mu'min. C'est pas l'attitude d'un mu'min. Donc, c'est pour ça. Peut-être que Allah acceptera pas ta prière juste à cause de ça. Allahu a'lam. Après, le cheikh dit, wa qawluhu an Husayn ibn Abd al-Rahman, qal, kuntu inda Sa'id ibn Jubayr. فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة قلت أنا ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت قال فما صنعت قال ارتقيت قال فما حملك على ذلك قال حديث حدثناه الشعبي قال وما حدثكم قلت حدثنا عن بريدة ابن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل أو والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقال لي هذا موسى وقومه فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة ابن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم ثم قال رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم قال سبقك بها عكاشة okay. Donc ça c'est le hadith qui est mentionné à la fin de ce chapitre. Je vais juste faire la traduction de ce hadith, puis après on va arrêter là. On va pas donner l'explication, on va laisser ça pour la semaine prochaine, inshallah. Donc le hadith est rapporté selon Hussein ibn Abdurrahman. Il a dit, j'étais avec Saïd ibn Jubayr. Et il a dit, lequel d'entre vous a vu l'étoile filante, ou bien, non, l'étoile filante, ou le, comment on l'appelle? L'astre, ouais, l'astéroïde, comme un astéroïde, ouais, un astéroïde qui est tombé hier soir. Il a dit, moi, je l'ai vu. Mais il dit, j'étais pas en train de faire la salate, mais j'ai été mordu. Il a été mordu par une bête, comme un scorpion ou un serpent. Alors, il a dit, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, j'ai fait le ruqya. J'ai cherché quelqu'un qui a fait le ruqya sur moi pour me guérir. Alors, il a demandé, Saïd ibn Jubair a demandé, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ruqya dans une chose pareille? Il a dit, c'est le hadith que Al-Sha'bi m'a mentionné. Alors, il a dit, et c'est quoi ce hadith? Alors, il lui a dit, c'est un hadith qui est apporté selon Bouraïda ibn al-Husayb, qui a dit qu'il n'y a pas de ruqya excepté pour une aïn ou une humma. Aïn, c'est lorsque quelqu'un te frappe avec le mauvais œil, ou bien humma, c'est-à-dire une fièvre. Donc, Saïd ibn Jubair, il a dit, celui qui s'est arrêté à ce qu'il a entendu, il a fait quelque chose de bien. Il s'est limité à ce qu'il a entendu. Alors, il dit, mais moi, par contre, j'ai un autre hadith rapporté selon Ibn Abbas, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que toutes les nations m'ont été présentées. Et j'ai vu un prophète qui avait avec lui un petit groupe de personnes. Un autre prophète, il avait juste une ou deux personnes avec lui. Et un autre prophète, il n'avait personne avec lui, il était tout seul. Et j'ai vu une immense foule par la suite, comme un grand nombre de personnes, ça faisait comme une grande noirceur, comme une marée humaine, oui. Et il a cru que c'était sa umma. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je croyais que c'était ma umma. Puis on m'a dit, voici Moïse et son peuple. Ensuite, j'ai regardé et j'ai vu encore une autre foule de personnes comme ça. Un immense nombre de personnes. Et là, on m'a dit, voici ta umma. Il y a parmi eux 70 000 qui entrent au paradis sans aucun jugement ni châtiment. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré chez lui. Et les gens ont commencé à discuter entre eux. Certains d'entre eux ont dit, peut-être que ce sont les sahaba du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et d'autres ont dit, peut-être que ce sont ceux qui sont nés dans l'islam et qui n'ont jamais fait de shirk. Et ils ont mentionné plusieurs choses. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti. Et ils lui ont informé. Ils lui ont dit qu'il se posait la question, il voulait savoir qui sont ces 70 000. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce sont ceux qui ne demandent pas aux autres de leur faire la ruqya. Qui ne font pas, la yaktawun, c'est al-kawi, c'est comme un remède qu'on utilisait chez les bédouins, ça existe encore aujourd'hui, c'est qu'on brûle à certains endroits avec un fer chaud pour guérir certaines maladies, wala yatatayyaroun, c'est-à-dire ils ne croient pas aux mauvais présages de certaines choses, comme des oiseaux ou d'autres, وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ et ils mettent leur confiance en leur Seigneur. Donc, Ukasha, un des sahaba qui était là, il a dit, ô messager d'Allah, invoque Allah pour qu'il me mette, pour qu'il me fasse être un parmi ces gens-là, parmi ces 70 000-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tu es un d'entre eux. Alors, un autre homme s'est levé, il a dit, ô messager d'Allah, demande à Allah, moi aussi, que je sois un parmi eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ukasha t'a dépassé. Ukasha t'a devancé. Exactement, il t'a demandé en premier. Et donc, ça c'est la fin du hadith. Donc, on va arrêter ici. On va laisser l'explication de ce hadith-là pour la semaine prochaine, inshallah. D'accord? Oui. Ah, ok. Ah oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça, il dit que certains l'interprètent. C'est pas vrai. Ben, c'est pas les salafs. Non, il a pas dit ça. Il a dit le mot visage d'Allah signifie, le mot wajh signifie visage. Certains l'interprètent comme la grâce d'Allah. Non, c'est ça, c'est pas correct. Exactement. Ouais, c'est ça. Puis après, il dit, il est prouvé qu'Allah ne ressemble pas à ses créatures. Ouais, inshallah. Sauf qu'il aurait dû être plus clair. Non. Donc, on va s'arrêter maintenant. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك.